disant les mots manquent de repères. Peu de rapport avec leur mère, père absent. Donc amèrement l'esprit de groupe envahit les têtes, remplace, rêver, espérance. 2000 et plus d'une expérience en règle où les mômes se lancent à 200. Drogue et alcool, plein le sang. J'ai plein ceux qui dansent mon stress. Narcotique, trigger, plein sud, mat, mat et escalade. Les rigoles et rigolent. Certains diront même en nomino. Mon pollen, c'est un régal. Noir ou blanc, du pareil au même. Tous des gars, socialement troublants. Et le cagole remplace le kofia. Tous blonds, mais à quoi se fier ici? Ou même les cagoles te parlent de mafia. Mes filles, frère, faut avancer malgré le profil. 2000 qu'on fasse nos putains de profits. Face à ceux qui tiennent les rênes depuis les 60s. 50-50 high, nique l'état défectueux. À l'heure où nos kits tissent, j'pose un rap pour père, histoire qu'ils disent quoi. On part sur de bonnes bases. Donc on part pas qu'à moi et mes gars. On perd sur de bonnes bases. Les mots manquent, comment t'expliquer? Mais comment faire pour que tous comprennent? Les mots manquent, bien impliqués pourtant. On a la rue et nous la gardons. Les mots manquent, comment t'expliquer? Mais comment faire pour que tous comprennent? Les mots manquent, bien impliqués pourtant. Pour aliment, staff en forêt. Oh le son gars, histoire de cramer le chonga. Qui sommeille en nous, aliment tous des bons gars. Dans le fond, Komodo, ex-amateur de bangé, de bon guy. Esprit pour mon bon guide. Inch'Allah que son don d'ici jusqu'au Bangladesh. Inch'Allah qu'au Bangladesh retrouve la faille, la brèche. Dans ce bled où peu de gens prêchent la bonne parole. À croire qu'ils sont tous de mèche avec Babi, Lon, Baby. T'envoies le message quoi, avec ou sans mobile. Inspecte tous immobiles, face à l'impact. T'as pas de bol, voir mon stack des boules et des balles. Deux tas de bombes et de balles vocaux. Authentique aliment, donc t'étonne pas qu'on te blague, bullshit. Staff AI, Marocco, mainstream Namor, Natch Komodo. Les mots manquent, comment t'expliquer? Mais comment faire pour que tous comprennent? Les mots manquent, bien impliqués pourtant. On a la rue et nous la gardons. Les mots manquent, comment t'expliquer? Mais comment faire pour que tous comprennent? Les mots manquent, bien impliqués pourtant. Pour aliment, staff en foire. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise à part que je dose et pèse mes mots? Impose mon nom dans ce bis Komodo. Hey, bisous clan d'eau du clan. Et du con, mes mental crisless. Nous on vise plus haut que les autres bandeaux du clan. On dure donc du vent et du bon vin pour ta sous sous et les sous hélène. Même sous ou des vapeurs de sale pollen. Seul j'mène ton âme au-delà de ce domaine. Mais comme au reine racine, faut qu'on nomme Komodo. La nouvelle école, man, d'aliment, staff, man. Fouille de fond en complot fou. Vois qu'ici les adhérents ont tous droit à leur sale mine. Perdu entre les quatre pôles et salmons. Vol ou marche en groupe sous la seule lune quoi. Vois qu'ici on s'élimine comme en pleine jungle. Entouré de junk, sache que chaque jour je jongle avec la vie de mes proches. Les mots manquent, comment t'expliquer? Mais comment faire pour que tous comprennent? Les mots manquent, bien impliqués pourtant. On a la rue et nous la gardons. Les mots manquent, comment t'expliquer? Mais comment faire pour que tous comprennent? Les mots manquent, bien impliqués pourtant. Pour aliment, staff en forêt. Annonce mon combat, Koloko. Komodo, Sem, Komoko, Gom, Djambé ou Bakayoko. J'défends les couleurs de Mars sombré. Sorti des couloirs de Mars 2000, j'amorce ma bombe. Annonce mon combat, Koloko. Komodo, Sem, Komoko, Gom, Djambé ou Bakayoko. Cesse de calculer, c'est du Ali.